Le chêne de Blatchmardean par Marie-Elisabeth Braddon. Chapitre 1er. C'était par une soirée d'automne. Le vent du nord soufflait avec fureur. Le soleil baissait et ses rayons empourprés disparaissaient peu à peu derrière les chênes du parc de Blatchmardean. Un chemin creux serpentait entre un taillis et un talus, celui-ci revêtu de mûriers au feuillage toujours vert. Ces parages inhabités et solitaires ne projetaient au loin ni lumière ni fumée. Malgré la proximité du village d'Orthorpe, distant seulement d'un kilomètre, un voyageur qui suit cette route à la brune doit se demander, non sans inquiétude, où il pourra gîter. Un homme pâle et décharné, vêtu d'une blouse grise déchirée, est assis près de la haie, son chien à côté de lui. L'air pauvre et malheureux de cet individu ajoute encore à la mélancolie de cette scène. C'est presque un vieillard. Sa physionomie sinistre, ses cheveux gris, ses traits altérés, ses joues creuses, ses yeux hagards et bistrés en dessous, témoignent de toutes les privations qu'il a dû supporter. Il est évident qu'il souffre de la faim. Le chien, qui paraît partager depuis longtemps la mauvaise fortune de son maître, dévore des yeux le livre de pain que le vieillard a sorti d'un mouchoir pour en faire son repas. Le pauvre animal va et vient, agite sa queue, gémit, pleure et fait si bien que le vagabond finit par lui jeter le reste de son croûton. Un morceau de pain pour deux, murmure cet homme entre ses dents. Languir dans n'importe quel geôle serait préférable à la vie que je mène. Là, du moins, on est sûr d'avoir à souper. Ceux qui vantent les douceurs de la liberté n'ont pas appris, comme moi, à leurs dépens, qu'elle n'est que de la viande creuse pour un va-nu-pied dont l'estomac est vide. Tim se rapproche de son maître et lui lèche la main. C'était peut-être le premier témoignage de reconnaissance que reçut ce vagabond, nommé Humphrey Vargas. Il paraît âgé d'environ 60 ans. Après s'être levé péniblement, il jette un coup d'œil circulaire autour de lui et constate que le jour baisse sensiblement. « Il est impossible d'en douter, » s'écrie-t-il d'une voix rauque. « C'est ici même qu'il y a 20 ans. »« 20 ans. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. Pourtant, je n'ai pas bonne mémoire. » Mais je n'oublierai jamais ni l'année, ni le jour, ni l'endroit. Vargas gravit le remblai et examina le pays. Il n'y constata ni changement, ni amélioration. Au loin, le village d'Orthorpe et un peu plus près, un hameau si bien caché dans les bois qu'il en est presque invisible. « Voilà le chêne, » se dit Vargas, et il ajouta. « À 2 pas d'ici doit se trouver une mare. J'ai trop souvent revu cet endroit dans mes rêves pour jamais l'oublier. » « Allons, Tim, allons. Il s'agit de dormir cette nuit tous les deux sous un toit, à moins qu'on ne te repousse, pauvre bête, mais je ferai tout mon possible pour te garder. » Là-dessus, il prend son bâton d'un air déterminé et repartit clopin-clopant en disant « Il reste à peine 1 kilomètre à faire. C'est encore de la mesure de mes forces. » Le chien, tête basse et la queue tremblante, suit son maître tout en geignant. Celui-ci se traîne plutôt qu'il ne marche. La puissance de volonté qui élève par l'intelligence l'homme au-dessus de la brute donne seule au vieillard l'énergie nécessaire pour triompher de sa fatigue. Pendant un certain temps, la route sinueuse se déroula comme un long ruban tout uni. Peu à peu émergèrent du sol une masure, une chaumière, bien pauvre, mais dans lesquelles, cependant, un voyageur sans abri eût encore été heureux de trouver un refuge. Puis le village apparut avec ses maisons neuves, propres et mieux construites. Des portes entr'ouvertes s'exhalaient une odeur affriolante qui ne pouvait manquer de faire venir l'eau à la bouche d'un meurt de faim. En remontant le cours de ses souvenirs, Vargas y retrouvait aussi celui d'un intérieur confortable et attrayant. Il gagnait alors 20 francs par semaine, avait femme et enfants, une maisonnette bien tenue, un petit jardin productif en fruits et en légumes. Le voilà arrivé au village d'Orthorpe. Ici, une boutique d'épicerie. Là, l'école du village, plus loin, l'auberge des 3 pains de sucre, dont l'enseigne, 3 morceaux de bois taillés en cône, se balance au gré du vent du nord. À l'extrémité, le château de Sir Everard Courtenay. À côté, l'église, sorte de grange dont l'architecture n'indique pas clairement la destination. Quoiqu'il eût 20 ans que Vargas ne fût venu dans le pays, il s'y reconnaissait comme s'il se fût agi d'hier. N'était-ce pas là l'auberge où il pérorait jadis sur le sort des empires, des gouvernements et des gouvernés? Certains rides rouges avaient sans doute un peu passé depuis lors, mais à ça près, L'établissement paraissait être toujours en pleine prospérité. Humphrey Vargas fouilla vainement dans le fond de sa poche. Plus d'illusions possibles. Il ne s'y trouvait même pas 5 centimes. Tendre la main était désormais sa seule ressource. « Oui, » se murmura-t-il à lui-même, les dents serrées. « Mon parti est pris. C'est décidé. On me fera prisonnier, mais j'aurai du pain et un gîte. Je n'entends plus souffrir autant que la nuit dernière. » S'approchant alors de la porte, il regarda par la fente du rideau l'intérieur de l'auberge et vit un homme assis devant le feu, fumant une longue pipe. À l'écart, 2 clients installés devant une table couverte de bouteilles et de pichets. Au fond de la salle, 1/4 personne étendue sur un banc de bois près du mur. L'aspect de ce dernier individu ne trahissait pas la pauvreté. Une assiette et 1 canette vide placées à côté de lui prouvaient qu'il avait dû faire honneur à la cuisine de la maison avant de s'endormir. Sous sa tête, la valise volumineuse qui lui servait d'oreiller indiquait qu'il avait, comme on dit familièrement, du foin dans ses bottes. Alléché par l'odeur de la réfection, Humphrey Vargas entre dans la pièce. L'aubergiste, derrière son comptoir, lit le journal de la veille. « Comment se nomme le magistrat du pays, camarade ?» demande Vargas. « Je ne vous engage pas à faire sa connaissance, » répliqua l'aubergiste. « En général, les vagabonds ne trouvent pas grâce devant lui. » « Gardez vos conseils pour vous jusqu'à ce qu'on vous les demande, » riposta Humphrey Vargas d'un ton bourreux. « J'ai besoin de lui parler. »« Je parie que c'est pour vous faire arrêter, vous l'avez dit. »« Eh bien, mon ami, notre magistrat s'appelle Sir Everard Courtenay et son château Fairview. Du bout de la rue, vous apercevrez la grille. Ses fermiers et ses locataires prétendent que Sir Everard est le meilleur des propriétaires du comté. Toutefois, je vous répète qu'il est sans pitié pour les gens de votre espèce. » « Je n'ai peur ni de lui ni de personne, » reprit Vargas. « À propos, » ajouta-t-il, « connaîtriez-vous quelqu'un qui désirait un chien ?»« Cela dépend. Le chien est-il de race ? Un bel animal, bien élevé ? Et le donne-t-on pour rien ? S'il en est ainsi, il trouvera facilement un amateur. Le chien n'est pas beau, mais en revanche, il est fidèle et intelligent. Je le donnerai pour... » Il allait ajouter pour rien, mais il se ravisa et dit « Pour une chope de bière. » L'animal, vivement secoué par son maître, se redressa. L'aubergiste et l'un des consommateurs, au lieu de l'admirer, se prirent à rire aux éclats. « Merci, merci !» s'écria l'aubergiste. « J'apprécie trop la valeur d'une telle offre pour en profiter. Je me ferai scrupule d'accepter une bête d'un si grand prix. Conservez-le jusqu'à la prochaine exposition canine. Le prince de Galles aimera peut-être à en perpétuer la race. » « Riez, moquez-vous de moi, si bon vous semble, » riposta Vargas. « Seulement, vous ne savez pas ce que vous refusez. Il n'existe pas de chien plus intelligent, plus affectueux et faisant meilleure garde. Il faudrait pour cela que vous lui eussiez donné une maison à garder, ce qui ne me paraît guère probable. » s'écria l'un des consommateurs qui, en jugé par ses habits, devait être un des notables du pays. « Eh bien, c'est ce qui vous trompe, car j'ai eu jadis une maison. Seulement, il est sûr que la mienne devait être moins vaste que la vôtre. Vous croyez, pourquoi cela ? Parce qu'à vous entendre parler, comme vous le faites à tort et à travers, on ne peut s'empêcher de penser qu'une maison de fou est la seule qui vous convienne. « Merci du compliment, » répliqua le consommateur ailleurs en se rebiquant. « Ainsi donc, patron, vous ne voulez pas de mon chien ? S'il était empaillé, je ne dirais pas non, car j'ai besoin en ce moment d'un épouvantail pour faire peur aux oiseaux. Maintenant, je vous engage à déguerpir d'ici. On n'a que faire chez moi des gens de votre espèce. » À cette dure injonction, le malheureux sortit. Une prison n'est-elle pas 100 fois préférable à la liberté ? S'écria Vargas. Ah, que je voudrais être sous terre plutôt que dessus. Tout en poussant cette exclamation, le vagabond traversa lentement le village d'Hawthorpe et reprit sa marche dans la direction du château.